L'arme est moussée, mais la mine est guise, la peine d'un soir, je me la mène écrit, un stylo noir, mais la vue l'épise, un stylo noir, mais la mine est grise, et peut-être qu'un jet, je serai l'accordeur des âmes, soit la grandeur des singes, mais je me laisse aller, je suis messager, mais pas porteur de message, j'ai la manière et la forme, mais pas la force pour void, je suis entre l'échelle et la corde, sur le seul alcool que je vois, mais font tous les pitres, le matin y'a que des gueules en bois, ensemble c'est qui court le plus vite, mais quand on est seul, on boite, en souvent je pars, mais jamais je gueule là où je m'arrache, en souvent je bats depuis que mon cœur j'annonce ma rage. Moi j'suis juste une, on parmi ses collègues. Plus que discrète, tu mec où tu me connais mieux que les gens qui me connaissent. Camouflé, j'prends de la conce, j'vous observe et j'tape des pas. Tout le temps sérieux, ouais, comme tous en serbe, qu'attaque tes barres. Ouais, tout le monde sert quand j'rappe mes passes. J'commence à comprendre, fais le qu'on pense. Cartonnance, mes reines compensent la contenance. Encore à cracher, ma nuit à racher. Mais toutes mes nuits, j'avoue, j'hésite à me cracher. Ma vie en crash test, branche la page test. Faut j'prenne le large, non j'veux pas d'embrer là. T'es grave, non faut que l'orage cesse. Ma rage dans le phrasé, pas de femme embrassée, fin de brassée. J'retrouve ma femme, ma foi, ma flamme dans le brasier. Ça fera l'affaire, nous peut-être ça fera la guerre, mais ça fera pas la peur. En vrai, tu grimpes à la peine, seul je gratte, je parle à la peine. Cette pute m'a conquis sous le charme depuis toujours. On voit pas le fond, puis je m'en bats, j'y vais tout chaud. Pas de pote sans tempête, car les tempêtes sont beau temps. Non, non, pas de pote sans tempête, je répète tant, c'est important. Eh, servent des rations régressives, je bois autant que ce maçon dépressif. Je parle de façon, je graverai le blason de façon très précise. Des drames sur le plafond dépressif, je m'en bats que t'es raconté le risque. Tu grattes en bas, mon pote, je gratte sur le dragon Tenerife. En passe-passe avec le vide comme les détails pour la devise. J'suis en jet lag, j'suis déjà taille, j'avais deux vies. Ouais, j'fais la tête, mais qu'est-ce vraiment fait cette année? Pour toute la vie, m'a fait ma fête. J'ai pas vraiment festoyé, j'aime pas vos gueules, j'trace. Eh, parfait, ta tasse, c'est de l'inverse. J'ai plus qu'à faire un peu, et parfum de la tasse, paye de la veille. J'ai bien fait de fuir mon gars, mais soir, bah, j'refais le film en cas. Y'a que mon reflet qui m'empare, quand même, mon reflet fait mon regard. Eh. J'ai peur de pas assumer si j'disais tout ce qui m'attriste. Comme ce type qui va se tuer ou se faire rassurer dans la matrice. Lario dealer des mots sombres. J'suis pas un rappeur, moi j'suis un dealer d'émotions. Qu'une capuche cachée dans l'ombre, rêve de barouder dans le monde. Qui a un trop veine, quand j'ai trouvé le temps long. Se venger ou pardonner l'ennemi, être un grand homme. J'suis bien dans le fond, pour tout mon train de vie, un train fantôme.